15-5, activation orale, prononciation. Le son R, révision. Écoutez et répétez. Un timbre. Une boîte aux lettres. Votre anniversaire. Votre marraine. Leur chirurgien. Mardi. Mercredi. Leur meilleur ami. Je vais faire un tour. Par avion. Ça alors. C'est formidable. Mystère. Pas encore. Derrière le Louvre.